Ok, oh, ok. Un qui m'aime m'écoute. Ils veulent rivaliser mais on n'a pas le temps pour eux. Car on rappe sous soleil de plomb temporis. Et s'ils font les shows on est venu les tempérer. Depuis qu'on a pris le mic ils ont jamais autant pleuré. Ils veulent rivaliser mais on n'a pas le temps pour eux. Car on rappe sous soleil de plomb temporis. Et s'ils font les shows on est venu les tempérer. Depuis qu'on a pris le mic ils ont jamais autant pleuré. Laissez passer les guerriers de l'espace vrai comme d'hab. Press play à la dépendance tu te condamnes. Tel un camé Améa. C'est pour Miro t'es dead. Et le M sur mon front c'est pour micro. Et rafale de face qui fuse fight c'est comme Mirko. Et les rimes super boosté, ça c'est façon Merco. SLR continue d'accélérer avec mes scélérats. C'est la règle, car la vraie défaite c'est de baisser les bras. La concurrence a mis le turbo mais en marche arrière. Car une de mes punchlines équivaut à leur carrière. Laisse tomber dans l'ego trip, le mec est spécialisé. Donc ne confonds pas leurs petits souffles et les alizés. Et ne confonds pas les alizés avec une tornade. Toujours un avion d'avance, c'est KR, c'est normal. Que l'on fasse envoyer des fleurs à leur mère de ma part. Et qu'on crie sur les toits que le nouveau boss est dans la place. Ils veulent rivaliser mais on n'a pas le temps pour eux. Car on rappe sous soleil de plomb autant pourri. Et s'ils font les shows on est venu les tempérer. Depuis qu'on a pris le mic ils ont jamais autant pleuré. Ils veulent rivaliser mais on n'a pas le temps pour eux. Car on rappe sous soleil de plomb autant pourri. Et s'ils font les shows on est venu les tempérer. Depuis qu'on a pris le mic ils ont jamais autant pleuré. Même si c'est du son de bonhomme que les cousines se lâchent. Comme un pet sous house et extra dans une boîte branchée. Leurs studios de gangsters ne sont que des usines de lâches. Mais tu comprends ici que tu savais pas ce qu'était le rap français. Les imposteurs se sentent torturés. Car on bosse propre et correct comme des portugais. Les fashionettes secouent leur tête comme des lascars. Pour une fois en apprenant avec stupeur que le feu a une voix. Le 3K représente toute la vie pour toute la ville. Tu veux test mais tu sais on n'arrête pas un tsunami. Agir avec autant de douceur que le GIGN. Se jette sauvagement sur l'instru comme des GN. C'est flippant même les nains se font tout petits et tous crient. Mais toi aussi on confond pas Jean-Claude Van Damme et Bruce Lee. Si bien qu'on monte pas sur le ring avec des gants de toilette. Le Zinedine de 7 c'est qu'en 3 lettres je dois aller. Ils veulent rivaliser mais on n'a pas le temps pour eux. Car on rappe sous soleil de plomb autant pourri. Et s'ils font les shows on est venu les tempérer. Depuis qu'on a pris le mic ils ont jamais autant pleuré. Ils veulent rivaliser mais on n'a pas le temps pour eux. Car on rappe sous soleil de plomb autant pourri. Et s'ils font les shows on est venu les tempérer. Depuis qu'on a pris le mic ils ont jamais autant pleuré. Leur son est lourd certes mais ils peuvent pas impressionner un sumo. Insoumis ça commence sur instru fini au SAMU. Musique d'entrée sur le ring lors du pride. Même les gothiques bougent leur crâne et font des signes west side. Et que Dieu ait pitié de mes ennemis. Car moi j'en aurais pas pour cette bande de vermine. Jaloux car mes cochons sont les femmes de leur rêve. Laisse ces adjarés verbales qui sortent de leurs lèvres. Merci pour la pub, les biatchs bossent pour le chef. Trop du normal, c'est monsieur K comme gros chef. Non, c'est pas trop grave si tu dis que t'as peur. Car y'a pas de honte à craindre le dictateur. Ils disent oh non, recevant la piste comme bénédiction. Mais je fais que marquer mon territoire. Car je suis félin comme ta chatte. Revendez-vous micro, tel est le dicton. Et réalisez ici qu'en vrai vous êtes pas félé. Ils veulent rivaliser mais on n'a pas le temps pour eux. Car on rappe sous soleil de plomb autant pourri. Et s'ils font les shows on est venu les tempérer. Depuis qu'on a pris le mic ils ont jamais autant pleuré. Ils veulent rivaliser mais on n'a pas le temps pour eux. Car on rappe sous soleil de plomb autant pourri. Et s'ils font les shows on est venu les tempérer. Depuis qu'on a pris le mic ils ont jamais autant pleuré. Ils veulent rivaliser mais on n'a pas le temps pour eux. Car on rappe sous soleil de plomb autant pourri. Et s'ils font les shows on est venu les tempérer. Depuis qu'on a pris le mic ils ont jamais autant pleuré. Ils veulent rivaliser mais on n'a pas le temps pour eux. Car on rappe sous soleil de plomb autant pourri. Et s'ils font les shows on est venu les tempérer. Depuis qu'on a pris le mic ils ont jamais autant pleuré.